Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Thank you.

écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. la chansonnette. De mes Lillois, je suis champion. J'ai de la valse dans ma musette pour vous faire passer le grand frisson. Vous cassez pas la nénette, c'est au fond des mirettes qu'on regarde les lampions. Et quand la valse s'arrête, on peut faire en cachette un tour sur le gazon. Thank you.